Les grands feuilletons de France Culture. Le mystérieux docteur Cornelius. XXIXe épisode, la tour fiévreuse. La chance aurait-elle tourné pour les lords de la main rouge? Pourtant, après la destruction de l'île dépendue, ils avaient décidé de frapper un grand coup et d'éliminer en une fois tous leurs ennemis. Heureusement, ils ont perdu. Mystérieusement prévenus par leur Buridan, Fred Jorgel et ses amis ont tous échappé à la catastrophe du pont de l'Estacade. Même William Dorgan, qui était dans le train, a survécu. Mais... Tout le monde le croit mort. Il n'y a que Lord Buridan qui sache qui est le mystérieux Monsieur Clark qui se cache dans une maison de Winnipeg. Pour en revenir au Lord de la Main Rouge, Lord Buridan leur a infligé l'humiliation finale. Il a enlevé Eleanor, la femme qu'il aime, dans la maison même de Cornelius qui la retenait prisonnière. Mais Cornelius est-il homme à pardonner ce genre d'affront? Bonjour, Leonello. Quelle belle journée, n'est-ce pas? Oui, docteur? Dans le grand salon, sœur, avec son frère. Parfait. Non, non, ne te dérange pas, je y vais tout seul, je connais le chemin. Ah! Bonjour, bonjour, j'espère que je ne vous dérange pas. Mais pas du tout, Baruch, entrez. Ah, merci. Entrez. Nous vous attendions. Ah. Un whisky, Baruch? Oui, je veux bien, avec plaisir. Là, oh, merci, merci, ça va. Eh bien, docteur, vous avez l'air bien sombre. La femme de votre vie, vous aurait-elle quitté? Pardon? Eh bien, oui, cette jeune femme si belle que j'ai aperçue plusieurs fois dans votre jardin. Et comme je ne la vois plus depuis 3 jours, je suppose qu'elle vous a quitté. D'abord, il n'y a pas de femme dans ma vie. Un homme de science n'a pas de temps à perdre avec des problèmes sentimentaux. Ou sexuel, je laisse cela aux simples mortels qui n'ont pas à se préoccuper de l'évolution de l'être humain. J'ai voué mon existence à la science, Baruch. Et je n'aime pas du tout ce genre de plaisanterie. Un autre whisky, Baruch? Oui, avec plaisir. Merci. Oh, merci, merci. Excusez-moi, docteur. Pour en revenir à cette jeune femme, elle était ici à titre de sujet d'expérience. Et si vous ne la voyez plus, c'est parce que Lord Buridan l'a enlevée, il y a 3 jours, au nez et à la barbe de Leonello. Lord Buridan? Mais pourquoi? Et quel genre d'expérience faisiez-vous sur cette jeune femme? À peu près la même que celle que j'ai réalisée sur vous. Ah, une autre substitution? Exactement, mais très améliorée. Vous ne m'avez pourtant pas si mal réussi que ça. On peut faire mieux. Vous savez bien sûr ce qu'est la télépathie, Baruch. Évidemment. L'inconvénient avec la télépathie, c'est que seuls quelques très rares individus ont ce pouvoir. Eh bien, moi, j'ai découvert un médicament qu'il suffit de faire absorber à un sujet pendant 2 mois pour qu'il soit obligé ensuite, jusqu'au restant de ses jours, d'obéir à n'importe laquelle de mes pensées, qu'il soit à côté de moi ou à l'autre bout de la Terre. J'ai inventé la chimiothérapie télépathique. Je peux me rendre maître de n'importe quel cerveau humain. Eh bien, dites donc. Heureusement que vous n'aviez pas découvert ce médicament quand vous m'avez transformé en Joey Dorgan. Ça peut encore s'arranger. Tout cela, vraiment extraordinaire. Mais dites-moi, pourquoi cette jeune femme? Qui est-elle? Eleanor Bressante. Ouais, je suppose que ce nom ne vous dit rien. Mais si je vous apprends que Buridan en est follement amoureux... Ah! Je comprends. Vous lui faisiez subir votre traitement pour la renvoyer ensuite à Buridan. Vous introduisiez en quelque sorte le loup dans la bergerie. Exactement. C'est vraiment dommage que Buridan l'ait enlevé parce que... C'est absolument sans importance. Ce n'était pas elle que j'avais décidé de renvoyer chez Buridan. Je vous ai parlé de substitution, n'est-ce pas? Vous souvenez-vous de la Dorifa? Ah, oui, la gitane. La gitane, oui, la maîtresse d'Edouard Edmond, celle qui nous a trahis. Exactement. C'est elle que je vais transformer en Eleanor et que je vais soumettre à mon traitement télépathique. La Dorifa, introduite auprès de Buridan sous les traits d'Eleanor, va devenir une arme redoutable entre mes mains. Oh, diabolique! Diabolique! C'est vraiment diabolique! Mais dites-moi, à propos de plan, où en est le mien? Il est en route. Slug s'en occupe. Il doit d'ailleurs m'appeler de Sterbay dès qu'il y arrivera, c'est-à-dire d'un moment à l'autre. Mais il devrait y être depuis longtemps. Ça fait déjà 6 jours qu'il a quitté New York. J'avais oublié de vous le dire, mais je lui ai fait faire un détour par l'Arizona. Un petit séjour à la Hacienda de San Bernardino. La Hacienda de mon père, mais pourquoi? Au cas où vous ne le sauriez pas, votre père a confié l'exploitation de cette Hacienda à un dénommé Pierre Jilkin, dont la femme s'appelle la Dorifa. Je comprends. Oui, Slug est allé là-bas en compagnie d'Edouard Edmond, qui, entre parenthèses, n'a pas pardonné à la Dorifa de lui avoir fait faire 6 mois de prison. D'ailleurs, il y serait encore sans la main rouge. Enfin, j'ai reçu ce matin un appel téléphonique de Slug. La Dorifa est entre leurs mains. Ils auraient même tué Pierre Jilkin au moment de l'enlèvement, ce qui est une bonne chose. Et où sont-ils maintenant? Slug m'appelait de Tampa ce matin. Il devait ensuite se faire conduire en barque dans le golfe d'Oster Bay. Mais il devait attendre la nuit pour débarquer. Il est maintenant 1h du matin. J'attends d'un instant à l'autre un appel radio. Et les gardiens du phare d'Oyster Bay? Ils doivent être à l'heure qu'il est dans le ventre d'un crocodile. Ou d'un requin. La région en est infestée. Ce sont des hommes à nous qui ont pris la relève. Ils ont reçu pour ordre d'éteindre le phare en cas de tempête. Que fait donc Slug? Il aurait déjà dû appeler. Allons. Ils sont peut-être en train de décharger le matériel. Mmh. Et Dieu sait s'ils en ont. Et en plus, tu connais l'endroit, Cornelius, avec ses marécages infestés d'alligators et de serpents à sonnette. Ah. C'est lui? C'est lui? Ici, les lords de la main rouge. Ici, les lords de la main rouge. Nous vous écoutons. À vous. Ici Slug. Ici Slug. Nous venons d'accoster. Terminé. À vous. Slug. Slug, vous m'entendez? Les lords tiennent à ce que l'opération se passe dans le plus grand secret. Edward Edmond doit disparaître à la fin de votre mission. La prisonnière doit être conservée en vie. M'avez-vous compris? Terminé. Message reçu. Ordre compris. À vous. Terminé. Avez-vous transporté le matériel? Attention aux bocaux. Ils sont fragiles et dangereux. Répondez. Terminé. Ici Slug. Ici Slug, vous m'entendez? Ma saloperie d'appareil, ça marche plus. Vous m'entendez? Eh merde. Edmond! Ouais! Ramène-toi par ici avec la môme! Ouais! Tiens, prends cette torche électrique. Ouais. Je crois que j'ai mis la main sur un crapaud. Ouais, t'as dû te tromper, je crois plutôt que c'est sur un serpent. Quoi? Y'a pas de crapaud si près de la mer! Oh, bah c'est un joli pays que cette Floride, d'entendre tant de merveilles. Bon, vous pouvez pas m'expliquer un peu ce qu'on vient faire ici, monsieur Slug? Ça te regarde pas, je te l'ai déjà dit. Tu es ici pour obéir au Lord de la Main Rouge et à moi, un point c'est tout. Allez, dépêche-toi! Prends cette caisse et fais-y gaffe, hein! Dans 4 minutes, on sera sorti de ces marécages et de ces maudits pas d'étuviers. Ouais. Et j'en râle pas, merde! Voilà, gros, passe devant! Allez, et n'essaye pas de filer, hein, sinon je t'abats comme une chienne! Allez, avance! Bon. Allez, avance-toi! Ah, écoute, je suis lourd, je crois pas, moi! Gaffe à la caisse, en tout cas. Ah, ça y est, on est arrivé. C'est là. C'est cette église. Ah. Bon. Alors, d'après le plan, c'est là, à gauche de la nef. Ah ouais, c'est ça. Allez, la môme, ouvre cette porte. Oh. Ouvre cette porte. Monte. Tu vois, ouais. Éclaire-nous. Ouais. 35 marches. Le clou doit être sur un mur, juste en face. Une bonne cachette. Allez, entre là-dedans. Personne n'aurait l'idée de venir te chercher ici, hein? La princesse dans sa tour. Et tu peux toujours essayer d'appeler ta sœur Anne. Personne ne viendra. Les négros du coin ont bien trop peur de la fièvre jaune et des légendes effrayantes que les lords de la main rouge ont répandu dans la région. Et respire pas trop! C'est plein de microbes. Allez, salut. Et faites beau rêve. Eh bien, voilà une bonne chose de faite. Et maintenant, on redescend. On va aller voir à quoi ressemble la crypte. Il n'y a pas longtemps, elle était remplie de marchandises volées. C'est là qu'on va planquer notre matériel. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ces caisses? Je t'ai déjà dit qu'il fallait pas poser de questions. Bon. Oh, regardez, monsieur Slug. Là-bas, dans les marais, c'est lueur bleuâtre. Oh, quel pays pourri quand même. Quand j'étais petit, on disait chez moi que les feux follets, c'était les âmes des trépassés. Si j'étais seul, je crois bien que je mourrais de peur. Ah, t'es vraiment quelque chose, toi. Tu sais donc pas que ces flammes, c'est une espèce de gaz d'éclairage ou quelque chose dans le même genre? Ah, ça aussi, on vous l'a appris à l'école? Non. Ça, c'est les lords de la main rouge qui me l'ont expliqué. Les lords de la main rouge? Ouais. Les lords de la main rouge, vous parlez d'eux comme si c'était des dieux. C'est pas des dieux. C'est mieux des dieux. J'ai jamais vu leur visage, mais leur cerveau. Ça, c'est quelque chose. Si des hommes comme ça dirigeaient le monde, on n'en serait pas où on en est. Allez, assez causé. Tiens, soulève cette dalle. Allez. Voilà. On descend. Et pas mal cette crypte. Il y a de la place. Ah oui, ça. On mettra tout ici. Rien ne doit traîner là-haut dans la tour, t'as bien compris? Ouais. Rien. On dormira ici, on mangera ici. Personne ne doit soupçonner notre présence. Mais pourquoi se donner tant de mal si personne n'approche jamais d'ici? Ah, t'es vraiment une lumière, toi. Hein? Et si la police venait faire une perquisition dans la tour? Hein? T'as pensé à ça? Mais pourquoi que la police viendrait ici? Si t'es bien sage avant qu'on parte, je te le dirai. En attendant, on vient. On va aller chercher le matériel. Ensuite, on se fera un bon gueuleton. Et au pieu. Thank you. Déjà 15 jours qu'on est ici et je sais toujours pas ce qu'on est venu y faire. Ah ben d'un côté, c'est pas désagréable d'être ici. J'aime bien me tourner les pouces. Mais d'un autre côté, je suis pas tranquille. Slug est tellement bizarre. Il passe des fois des nuits entières au sommet de la tour quand il redescend. Oh, il y a une de ses yeux. Alors, qu'est-ce que je sais pas. C'est surtout quand il y a de l'orage. Celui-là, il m'enferme dans la crypte. Je sais pas ce qu'il fabrique là-haut, mais ça fait un tirafus. Ça m'empêche de dormir. Ouais. Ça recommence. Ouais, ça c'était sûr. Avec cette tempête. Encore enfermé. Alors, si seulement il faisait pas tant de rafus là-haut, je pourrais dormir. Moi. Je me demande ce qu'ils peuvent bien fabriquer. Ah, si seulement j'avais pas si peur de lui, je délivrerais la Dorifa et on foutrait le camp d'ici. J'ai pieux. Toutes ces images du bon Dieu devraient m'aider seulement. Ben voilà. Il y a que les images. Mais le bon Dieu, lui, il n'est pas là. Il m'a abandonné. Allez. Allez, secoue-toi, la Dorifa. C'est pas ton genre de te laisser aller ainsi. Mon étoile. Je vois mon étoile à travers cette meurtrière. Je suis donc pas tout à fait abandonnée. Tous les soirs, je la regarde et ça me fait du bien. Pourtant, je sais bien que c'est pas une étoile, mais un phare. Ça prouve qu'il y a encore des gens qui vivent sur cette terre. Ah, mon Dieu, quelle tempête! Je suis sûre que mon étoile va disparaître comme toutes les nuits de tempête. Et là-haut, au-dessus de ma tête, la tour va s'illuminer. Slug et Edouard vont encore aller et venir, monter et descendre. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire? Et pourquoi ils m'ont amené ici? Oh. Et voilà leur sarabande qui recommence. Oh, si seulement Slug était encore au sommet. Lui, c'était un homme. Il l'aurait délivré, sa Dorifa, lui. Allez, ma fille. Te laisse pas aller. Tiens. Voilà Jésus-Christ là, à tes pieds. Sur son crucifix. Quelle tempête, mais quelle tempête! Une tempête tous les trois jours. Oh, il a vraiment un sale caractère, le bon Dieu. Ah, allez, Dorifa, essaie de dormir. Ça ira peut-être mieux. Bon, je vais faire un tour. Et je peux venir avec vous, Monsieur Slug? Non, tu restes ici. Bah, vous allez partir longtemps? Si on te le demande. Bon, ben, au revoir. Ciao. Quel salaud! J'en ai marre, moi! je me demande vraiment pourquoi il m'a amené ici. Faut croire qu'il avait besoin d'un domestique. Là aussi, c'est bien ma faute. Avec à pas accepter de retravailler pour la main rouge. J'étais bien plus heureux quand je volais de mes propres ailes. Allez, je vais me taper un petit coup de whisky. Oh, boire tout seul. Quel cafard. Après tout, cela était parti pour la journée. Et... mais si j'en profitais pour aller trinquer avec la Dorifa. Voilà le clou. Sésame, ouvre-toi. Eh ben, la Dorifa, t'es pas contente de me voir? Bah, je suis venu t'apporter un peu de whisky. Slug est parti pour la journée. Tu trouves peut-être que je meurs pas assez vite? Oh, pourquoi tu dis ça? Il est pas empoisonné, mon whisky. Tiens, bah, regarde, j'en bois, moi. Après tout, tu as raison, tiens, donne. Ah, si t'avais pas essayé de me tuer jadis, la Dorifa. Oh, écoute, Edouard, essayons d'oublier le passé. On a eu de bons moments ensemble, non? Oh, tu te souviens à New York, le soir où on était tous les deux, dans ce petit hôtel de la 42e avenue, là? Ah, quelle nuit! J'oublierai jamais. Si seulement on pouvait y être encore tous les deux comme avant. Allez, Edouard, à la santé de nos souvenirs. Oui, oui, à la santé de nos souvenirs. Tu sais, Dorifa, j'essaierai bien de t'aider un petit peu. Oui, tu dis ça, mais... Non. Mais je suis sûre que tu n'en as rien à faire. Oh non, non, mais qu'est-ce que t'en sais? Bah, t'as rien dit quand vous parliez tous les deux avec Slug de la fièvre jaune. Vous disiez que tout le monde en mourait. Ah, mais c'est vrai, j'y ai pas pensé. Mais t'en pas vacciné, toi? Bah, tu vois. Bah, ça t'est bien égal que je meure de la fièvre jaune. Oh non. Seulement, ce que vous savez pas, c'est que moi aussi, je l'ai eu, la fièvre jaune. Quoi? Ouais, monsieur. Quand j'étais à La Havane, chez Madame Olga, même que j'ai failli y rester. Tiens, la bouteille est là. Sers-toi. Oui. Mais moi, je veux pas que tu meures, Dorifa. Tu veux peut-être pas que je meure, mais en attendant, moi, là, j'étouffe dans cette cellule, hein. Oh, dis, toi, si tu me laissais sortir un tout petit peu, histoire de me dégourdir les jambes. Oui, mais Slug. Et puis si je te laisse sortir, tu vas peut-être pas vouloir rentrer après, hein? Tu vas peut-être avoir envie de t'échapper, non? Non, et si je te promettais de pas m'échapper? Alors, ça c'est différent. On pourrait descendre dans la crypte, là, et puis là... Non, attends, je sais ce que nous allons faire. On va monter ensemble en haut de la tour. Ouais. On verra bien si je suis ou non. Et si on le voit pas, ça, c'est une bonne idée. Allez, viens chez moi. Oh, quelle belle cloche! Laisse-moi la regarder! Non, on n'a pas le temps! On n'a pas le temps, je passe le carré! Mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu es folle! Mais ne pousse pas, je vais tomber! Mais arrête! Au secours! Dommage, il est tombé sur le tas de foin! Vite, la cloche! Quelqu'un viendra, peut-être! Quelqu'un finira bien par entendre! Qui sait? Le pays est peut-être habité. Oh mon Dieu. Mon Dieu, viens à mon secours. Vite. Vite. J'ai peut-être le temps de m'échapper avant que Slug n'arrive. Je me cacherai dans les marais. Vite, l'escalier. Slug. Il paraît que la princesse voulait nous fausser compagnie. Eh ben, c'est raté. On n'échappe pas ainsi à Slug. J'ai tout entendu. Je vous avais tendu un piège. Ah, il en a mis du temps, cet imbécile, à essayer de te délivrer. Mais ne te débat pas comme ça, voyons. Tu vois bien que je suis le plus fort, hein. Il t'a toujours dans la peau, hein. Tu l'as embobiné, t'es bien une femelle. Mais tu vas le payer cher. Lâche-moi, tu me fais mal. Ah, j'espère bien. Allez, viens. Avance, allez. Cette fois-ci, tu ne m'échapperas plus. Je vais te faire crever à petit feu. Bah oui, cet imbécile. Elle monte. Là, je suis en bas, sur le tas de fouet. C'est elle qui m'a fait tomber. Elle m'a poussé. Je crois que j'ai une jambe cassée. Oh, pauvre crétin. Lève-toi et va me chercher les sacs de ciment qui sont dans la crypte. Toi, la princesse, réintègre ta cellule. Et en vitesse, hein. Lâche-moi. Tu me le paieras. Hey, c'est ça, dans votre monde, d'accord. Ça. Alors, ce ciment, ça arrive. Voilà. Allez, presse-moi. Mais qu'est-ce que vous voulez en faire, monsieur Slug? Pour ça là, boucher la cloison. Mais vous pouvez pas. Et la dorifare. Quoi, la dorifare? Ben, on pourra plus ouvrir le mur. Voilà. Et comment on ferait pour lui apporter à manger? Mais elle mangera plus, triple idiot. Mais elle va mourir. Mais évidemment, elle va mourir. T'as déjà entendu parler d'une emmurée vivante qui reste en vie? Comme ça, au moins... Elle pourra plus te faire de charme. Mais je croyais que les lords de la main rouge la voulaient vivante. C'est vous qui me l'avez dit. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Ce qu'ils diront, ça me regarde. C'est pas tes affaires. Mais par contre, si tu le désires, le ciment n'est pas encore tout à fait sec. Alors il y a de la place pour deux. Vous aurez même tout le temps de commencer à faire un môme. Non. Alors? Excusez-moi, monsieur Schlepp. Non. Le dîner est prêt dans la crypte. Dois-je le servir? Pauvre Édouard Edmond. Lâche et faible comme il est, cela nous étonnerait que ses malheurs soient terminés. Eh bien justement, vous entendrez la suite des malheurs d'Édouard Edmond dans notre prochain épisode, Le démon des marais. C'était Le mystérieux docteur Cornelius, feuilleton d'Edith Lauria, d'après le roman de Gustave Lerouge. 29e épisode, La tour fiévreuse. Avec Michel Bouquet, Jean Topard, Jean-Pierre Joris, Marc de Géorgie, Catherine Rouvel, Max Vial, Albert Medina. Musique du générique, Jean Vienner. Bruitage, Louis Matabon. Chef opérateur du son, Bernard Charon. Collaboration technique, Noélie Louis-Marie. Assistante, Brigitte Bouvier. Réalisation, Alain Barou. Première diffusion sur France Culture le 6 février 1978. À réécouter en ligne ou à télécharger sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission.